tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse 14-18, La guerre racontée par les archives, une série de Christelle Le Polotec réalisée par Nathalie Battus. Au départ de cette série, il y a les révisions du brevet, une guerre mondiale et des témoins disparus. Il y a ces images brutales des tranchées et l'envie d'écouter l'histoire racontée par ceux qui l'ont vécue. Alors pour commencer, les personnages. Un cinéaste dragon, un colonel en pleurs, un poilu englué, des tirailleurs sénégalais, des mobilisés devenus fous, un jeune homme tétanisé, un sous-lieutenant dans un trou et un peintre obsédé. Ensuite, le décor. Des pantalons garance, des lances, la sonnerie aux morts, du bleu horizon, la peur, la boue, des shrapnels, des gaz, des odeurs pestilentielles, du rhum pour tenir, des cadavres partout, la voix de Pétain, des biscuits et des redditions. Aujourd'hui, deuxième épisode, on regarde le défilé. J'ai connu la cavalerie, vraiment, telle qu'elle était. Jean Renoir. Je crois qu'elle n'avait pas changé depuis les règlements de Louvois, ou à peu près. Ce qui ne veut pas dire que c'était un état sauvage ou retardataire. Non, pas du tout. Simplement, il y avait ce mélange de disciplines extraordinaires et d'apparence relâchée qui était la caractéristique du XVIIIe siècle français. Il y a une chose, par exemple, qui m'avait frappé lorsque j'étais arrivé dans la cavalerie, c'était l'affectation des officiers, affectation que j'approuve tout à fait, de supérieur à inférieur, de ne jamais s'appeler par son grade. Je n'ai jamais entendu un colonel appeler un lieutenant lieutenant. Il l'appelait monsieur. Dans la cavalerie, on s'appelait encore monsieur, comme on s'appelait monsieur chez les chouans pendant, pendant la Révolution. Et une autre chose qui était très extraordinaire, c'était le mot qui revenait constamment dans la bouche de nos instructeurs. Ne soyez pas raide, soyez détendu, n'est-ce pas? Et lorsque par hasard, on avait un jeune cavalier, n'est-ce pas, plein d'une espèce de zèle, avait une attitude raide et tendue, et les jambes un petit peu écartées, n'est-ce pas? Le mot des officiers était mais monsieur, vous êtes ridicule. Mais monsieur, vous montez comme Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, apparemment, dans l'esprit des vrais cavaliers, représentait le comble de la maladresse à cheval. Je suis donc tombé dans ce milieu, arrivant de ma famille, arrivant de mon collège, n'est-ce pas, qui était absolument le jour et la nuit. C'est comme si j'étais tombé dans la lune, mais dans une lune que j'ai tout de suite beaucoup aimée et à laquelle je me suis beaucoup attaché. LSD, la série documentaire. 14-18, la guerre racontée par les archives. La fosse aux murailles. Il faut vous dire, n'est-ce pas, que j'étais tellement excité à l'idée de possibles rencontres à cheval au début de la guerre, car je suis parti tout de même à la guerre avec une culotte rouge, avec des bottes, avec une tunique bleue, un col blanc, et avec un casque à crinière de cheval et une lance. Car je n'étais pas encore officier, j'étais sous-officier et je portais la lance. Et j'aime mieux vous dire que l'idée d'une première rencontre à la lance avec des hulans également porteurs de lance était très excitant. Voilà comment ça s'est passé. J'étais sous-officier, j'étais parti avec à peu près une douzaine de dragons, de lanciers, en reconnaissance, et nous sommes arrivés au-dessus d'une petite colline. Au-delà de la petite colline, il y avait une petite vallée, avec pas de rivière, des prés, où le galop était extrêmement facile, et de l'autre côté de cette petite vallée, une autre colline. Et sur le sommet de cette autre colline, il y avait 12 hulans qui regardaient les 12 dragons français. Alors nous nous sommes arrêtés, nous nous sommes regardés, et il est évident que dans le cœur du sous-œuf de Hulin en face de moi, les mêmes sentiments ont dû se passer. Il a dû se dire, enfin, n'est-ce pas, le jour de gloire est arrivé, nous allons connaître une vraie charge de cavalerie et nous allons embrocher l'ennemi. Et on s'est mis en ligne, n'est-ce pas, suivant les règlements, c'est-à-dire chaque cheval à une certaine distance de l'autre cheval, et puis on est parti au pas, et eux sont partis au pas, trot, ils sont partis au trot, galop, ils sont partis au galop, et les chevaux sont partis, nous allions extrêmement vite, n'est-ce pas, et nous nous rapprochions, et le moment approchait où nous allions nous embrancher. Et quand nous avons été à 5 ou 6 mètres les uns des autres, les chevaux français ont regardé les chevaux allemands, et puis ils ont fait un détour. Et ces chevaux sont passés certainement à 5 ou 6 mètres les uns des autres, en tout cas loin de la portée de nos lances. Et nous nous sommes trouvés au lieu de départ des Uhlans, qui eux se sont trouvés au lieu de départ des dragons, extrêmement penauds. Alors nous avons pensé que nous étions ridicules et nous avons regagné nos lignes sans nous battre. Cet été-là, les soldats français partent au front avec en tête les images de la guerre de 70. Certains portent même encore les pantalons rouges Garance, qui étaient leur signe distinctif depuis 1829. Ils n'imaginent pas ce qui les attend. Une guerre nouvelle, qui n'a plus rien à voir avec les conflits précédents. Une guerre de tranchées, beaucoup plus meurtrière. Et face à eux, une armée prussienne, déterminée, puissante et surtout parfaitement adaptée aux conflits du XXe siècle. Petit à petit, à l'image de l'uniforme bleu horizon qui va se généraliser à partir de 1916, les poilus vont se métamorphoser au contact du combat. Officiers, paysans, artistes, ouvriers, macros ou employés, aucun d'eux n'était préparé à ça. Ce n'est plus une guerre, c'est une boucherie. Pour moi, la guerre de 14, elle débute en 1913. J'avais 20 ans, justement, en 1913. Monsieur Despostes. Mais c'est toujours la même chose. Moi, j'étais socialiste à ce moment-là. Et je ne pensais pas à ce que les hommes soient suffisamment méchants ou fous pour se déclarer la guerre. Les hommes qui étaient au pouvoir avaient justement fait la guerre de 70. Ils savaient ce que c'était qu'une guerre. Et je ne croyais pas justement à la guerre. Et j'étais en permission quand la guerre s'est déclarée. Et le 20 août, on est arrivé justement à la frontière française par Carignan. Et on est passé en Belgique. Et en Belgique, la cavalerie s'est heurtée aux mitrailleuses allemandes. Et ça a été une boucherie épouvantable. Ça a été une retraite effrayante avec tous les hommes, les chevaux qui crevaient sur la route. C'était effrayant. Ça a été un carnage. Alors on a battu en retraite, on est revenu en France. Et puis en France, on a suivi la frontière, justement depuis Carignan, jusqu'à Bouillon en Belgique. On a fait à ce moment-là 102 km en 48 heures. Et justement, la Bouillon... On est arrivé, on était crevés comme tout, et on a attendu une journée à peu près. Et alors on a battu en tête jusqu'à la Marne, en faisant 700 km en 15 jours, et toujours à pied avec le fusil, forcément tout leur harnachement possible. Moi, je m'étais déjà faufilé dans la liaison de bataillon, comme ça j'étais exempt de sac. C'était déjà quelque chose. Et puis, on est arrivé sur la Marne, au moment de la bataille de la Marne. Le moral devait être à zéro, là. Non, pas du tout. Pas du tout, non. On avait accepté la retraite, et puis les officiers nous avaient dit, maintenant on ne recule plus, mais... Et il s'agit de rester sur place et de se faire tuer sur place. Est-ce que vous pourriez me dire un peu quelle impression ça fait que vous m'avez parlé tout à l'heure de ce combat où la cavalerie était mêlée. C'était un peu le premier gros engagement. Quelle impression ça fait d'être confronté comme ça ? Épouvantable. C'est épouvantable. La vie, on ne pense qu'une chose, c'est de sauver sa peau. Alors on se cavale le plus vite possible en arrière, n'est-ce pas ? Et puis en arrière, on se cavale pendant 20-30 kilomètres. On était revenu sur Sedan, Bazaine. Et qu'est-ce qu'ils avaient fait ? Ils avaient fait donner de la cavalerie contre l'artillerie Eh bien oui, contre l'artillerie et puis les mitrailleuses allemandes. Ils avaient donné la cavalerie comme en 70, on faisait justement participer la cavalerie à une bataille. Mais c'était fou complètement de lancer de la cavalerie contre des mitrailleuses. C'était presque aberrant. Et vous deviez appuyer la cavalerie par... Alors nous, on devait appuyer la cavalerie. Ouais. Alors à ce moment-là, on est monté en ligne aussi. Et puis on avait été en tête. Quand presque tous les officiers, le capitaine avait été tué, les trois lieutenants avaient été tués, il restait juste un lieutenant. Sur 250 de la compagnie qu'on avait été engagé, il restait 125 hommes, à peu près. On ne se rend plus compte avec justement l'éloignement du temps, le carnage que ça pouvait faire. Parce que à ce moment-là, les cuirassiers qui battaient en retraite lâchaient leur cuirasse pour avoir leur cheval était tué et ils s'en allaient à pied. Ils lâchaient leur cuirasse pour pouvoir partir plus vite et choses comme ça. Ils lâchaient leur sabre, ils lâchaient tout. Non, c'est la peur à ce moment-là. La bataille, n'est-ce pas, est perdue, et bien tout le monde fuit. Je me rappelle, c'était à Raucourt, et on a retrouvé le colonel, et le colonel a pleuré devant son pauvre régiment, tellement il en manquait plus de la moitié. Puisque nous, les étions partis à 250, quand on est revenu de Belgique, on était 125, à peu près, à 2-3 hommes près. C'était des tranchées qui étaient dans une terre gluante. Monsieur Petit. De sorte qu'on était dans des gourbines. Vraiment invraisemblable. Les tranchées allemandes étaient à peu près entre 25 et 50 mètres de nos tranchées. Ils étaient dans la boue comme nous. Et nous étions là, n'est-ce pas, à faire le guet. Nous avions chacun des bottes en caoutchouc qui étaient percées le plus souvent possible. Nous avions des cache-nez, nous avions des peaux de mouton. Et puis on attendait. On attendait que ça vous tombe sur le tout ou bien que les Allemands attaquent. On recevait la nourriture par des gamelles qui venaient de l'arrière. Alors on mangeait en général froid. On mangeait ce qu'on pouvait. En général, on mangeait pas mal. Et on n'avait que ça à faire. Hein. Parce que la bataille, c'est pas la bataille tous les jours. Hein. C'est un coup de fusil tous les 5 minutes, toutes les 10 minutes, avec de temps en temps un camarade qui est touché. On est en bordure de la Seille. Et nous, on était de ce côté-ci de... Monsieur Lecoq. À l'intérieur, et les Boches étaient de l'autre côté, en face, à peu près à la même hauteur que nous. Hein. Alors on se canardait par là, mais alors là, on était dans l'eau jusqu'au fond du genou. Alors, nos capotes, on avait des capotes qu'on avait été obligés de couper jusqu'à la hauteur comme les vestes, jusqu'à la hauteur des fesses, quoi, pour trancher de... Parce que ça se collait après les bandes meultières. On faisait 8 jours de ligne, hein, et puis 8 jours de repos. C'était pas du repos parce que la compagnie la compagnie était obligée d'aller faire des parallèles de départ, oui. À chaque fois, entre les deux lignes, sous les mitrailleuses. C'est qu'un parallèle de départ ? Eh bien, c'est une petite tranchée. On partait avec une pelle, une pioche, chacun comme ça, et toute la compagnie. Et alors, on faisait le lieutenant ou le capitaine nous insignait tant de mètres à percer. On faisait des parallèles de façon qu'un homme puisse se tenir à genoux dedans, caché. Mais c'était entre les lignes, ça. En avant de ceux qui montaient la garde, c'est le temps de le dire. C'était en prévision des attaques. Et c'était pour nous faire les attaques. Mais alors, c'était sous les mitrailleuses et puis sous les obus. C'était pas toujours tout rose. Alors là, après ça, alors dans la forêt de fac, quand on était dans la forêt de fac, alors là, on était sous bois. Mais alors, les Boches nous bombardaient avec des shrapnels. C'était des obus qui éclataient en l'air avec des billes. Et puis alors, les trois quarts étaient avec des gaz. C'est comme ça que j'ai été gazé aussi, moi. J'étais gazé aux yeux, oui. C'était deux jours aveugle, non ? Ah oui. Et c'était pas marrant parce qu'on ne voulait pas nous évacuer quand on manquait de monde. Hein. Il y en avait je ne sais combien qui avaient les jambes gelées, les pieds gelés. Ben, toujours dans la flotte comme ça, jour et nuit. Hein. Et alors, si vous faisait des tranchées de 2 mètres environ, avec des fils de fer barbelés dessus, des réseaux bruns. Et alors, il y avait toutes les nuits, il y avait des guetteurs, hein, parce que depuis 5 heures le soir jusqu'au petit jour, il fallait tout le monde dehors. Ah oui, personne, autrement que ça, dans la journée, ben, soit qu'on arrangeait les quais de bottis, ou qu'on aménageait un peu les endroits où on pouvait se tenir, quoi. Il fallait arranger tout ça. Oui. Et comment ça consiste le travail, alors, quand vous êtes dans la tranchée? Ah ben c'est surtout de guetter, hein. Et puis de guetter tout ce qui peut se passer, hein. C'est que la nuit, hein, c'est formidable, un brin d'herbe. Plus vous le guettez et plus vous le voyez remuer. Alors, ah, c'est... Puis la moindre des choses, vous entendez des fois un type qui a peur, il faut un coup de fusil là-dessus, hop, les autres en face, ils répondent. Hein. Ils répondaient, nous. Est-ce qu'il y avait, comme ça a été souvent signalé, cette espèce de silence tacite des fois des ah, ben, ah non, mais il y avait toujours... Oh, c'était rare le calme. Il y avait toujours quelques mitrailleuses qui traînaient à droite ou à gauche, et des obus qui passaient, qui allaient plus loin que nous. Puis d'autres de chez nous aussi qui tiraient de l'autre côté, souvent vous pensez à ras de la tête. Ouais. Ah oui. Ah ben j'ai vu là dans l'Aisne, quand on était dans l'Aisne, là qu'on avançait, là, alors là, on était obligé de marcher à plat ventre. Hein. Eh bien, par les obus de 75 qui nous passaient par-dessus à rail, ils débouchaient, on appelait ça déboucher à zéro. Alors les obus, nous, on les entendait siffler comme ça au-dessus. Puis alors avec un général comme on avait, là, le général Mangin, c'était toutes des troupes marocaines qui en avaient avec nous. Marocaines, sénégalaises. Les Sénégalais, c'était qui gardaient les issues derrière. Alors s'il y en avait de chez nous, des fois, qui étaient blessés, des fois légèrement, ou n'importe, ou même des fois qui voulaient se replier, ben, les gars, ils étaient là, mon vieux. Et toi, il y en a remonté, hein, puis ils nous ont embranchés. Hein. Ceux qui faisaient la police des tranchées. Ah oui, c'est ça, oui, ils faisaient la police. Ah oui ? C'était les Sénégalais. Ah non, c'était pas drôle, hein, puis à ce moment-là surtout, hein, bon, qu'est-ce qu'il y avait dans la plaine, hein. Oh, puis alors, si ça sentait, hein, les gars qui couchaient dans... Il était gonflé à cette hauteur-là. Lorsque vous foutiez le pied dedans, on s'en les voir, on parlait d'un gâchis. Oh, ils étaient... On a passé des drôles de moments, je vais vous le dire. Hein. Enfin, c'était des moments où on n'avait pas le temps d'évacuer les blessés, les morts du terrain. Ah ben là, on n'y touchait pas, nous, hein, rien du tout. Nous, il y avait des brancardiers derrière, hein. Pouvez-vous faire une petite description de ce que ça représentait, un équipement quand vous ravitaillez? Vous ravitaillez une escouade, là? Oui, c'était tout... Ah, mais on a... comme ravitaillement, ben, on avait plus. Moi, par exemple, je prenais celle du capitaine, comme caporal. Et alors, là-dedans, ben, il y avait le pain, il y avait des conserves, il y avait le pinard, les bidons de pinard, et puis il y avait le bidon de rhum. Il y avait du rhum aussi. Ah oui, ben, quand on partait en attaque comme ça, on touchait un bidon de vin complet, un bidon de litre, et puis on avait un quart pour deux de gnôle. Un quart pour deux, ben, on s'envoyait ça, et puis les trois quarts, ceux qui étaient soifards, ils buvaient encore le pinard pour ne pas le perdre. Hein. Ben, quand ils avaient tiré deux, trois coups de fusil, ça y était, ils étaient complètement fous. Alors on les a emmenés n'importe où. Hein. D'abord, c'était fait pour, hein, pour pas qu'on se rende compte dans les terres où on se trouvait. Puis alors, vous savez, quand ils étaient en train d'aller avec un copain à côté, là, puis tout un coup, hop, le copain, il en prenait un coup, hein, soit dans la tête, soit dans le ventre, soit dans la porte, hein. Puis on n'entendait plus. Hein. Ça, c'est pas drôle, hein, d'avoir les copains qui tombent comme ça autour de vous. D'abord, je vous dis, quand on est redescendu à 14 sur une compagnie comme ça, ben, on en avait laissé en cours de route. Hein. Et mieux que ça, c'est qu'une fois, j'en avais un comme ça, qui était blessé à une jambe, qui ne pouvait pas marcher. Je le mets sur mon dos. Hein. Il gueulait, le pauvre type, il était blessé au rein, ou je ne sais pas où. Alors, chaque fois que je marchais avec lui, hein, ça disait des secousses. Et à un moment donné, il en prend une dans l'épaule, qui m'était destinée également. Parce qu'on n'avait pas le droit, nous, d'avoir des fusils, ceux qui portaient les blessés. Ah oui. Ah non. Si les Boches vous voyaient avec un fusil, hein, ça y était, hein. Ils vous tiraient dessus. Et vous n'avez jamais été blessé? Non. Ah, j'ai eu une veine insensée. Une fois, j'ai eu le talon de ma chaussure qui a été enlevé par un éclat d'obus. Je ne l'ai pas vu. C'est en mort le vent comme ça. Merde, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai? Et puis, plus de talon après mon bordequin. Non, ce que j'ai eu là, alors, c'était au ravin de Sakona, là. C'est un obus à gaz qui est tombé loin comme d'ici là, le mur, là. Alors, c'est le moment, puis les deux autres étaient un petit peu plus loin. Ils étaient en train de vider du café que les Boches avaient laissé, là. Et tout d'un coup, je dis, mais ça sent les gaz. Alors, je les ai prévenus, on a mis nos masques, mais il était déjà trop tard, on avait pris un coup. Alors, ça vous fait vomir, comme si on avait mangé du sucre à pleine main. J'ai été gazé deux fois, moi. Une fois à la poitrine et puis une fois dans le... aux yeux. J'étais de la classe 16. J'ai été mobilisé au début 1915. Monsieur Noble. Et alors, au début 1916, alors j'ai été en renfort au 54e régiment d'infanterie. Et puis alors là, on a tenu déjà un secteur en Champagne. Et puis, ma foi, il y avait un peu des hauts et des bas là-dedans. Mais alors, un soir de beau temps, le 19 mai, il y avait un ciel bleu, un petit vent léger. C'était vraiment une belle soirée de mai. On était parti de nos tranchées de deuxième ligne parce qu'on était compagnie de réserve. On devait aller porter des fils de fer barbelés en avant des petits postes à la nuit tombante parce que le commandement devait se douter que les Allemands préparaient un coup dans ce coin-là. Et ma foi, ils ne se trompaient pas, ils avaient été bien renseignés. C'était à quel coin? C'était entre Soing et Sompy. Je me suis toujours rappelé de ces deux noms. Mmh. Ils avaient à peu près une dizaine de kilomètres de distance. Alors, on s'était déséquipé pour aller porter nos trucs là par-dessus le petit poste. Et puis, 8 jours après, on nous avait fait une théorie sur les liquides enflammés, parce que eux, les Allemands avaient trouvé ça aussi. Mmh. Alors, naturellement, on y pensait. Et à un moment, on a entendu un gros truc de comme un camion qui serre ses freins. On s'est dit, ça y est, les gars, voilà les liquides, foutons le camp. Alors, on est passé à quatre pattes sous nos fils d'affaires, il y en avait au moins 20 ou 30 mètres de long. Et puis quand on a été de l'autre côté, on s'est dit, mince, c'est pas les liquides, c'est les gaz. Mais on n'avait rien sur le nez avec toute l'escouade. Alors on est repassé à quatre pattes pour aller chercher nos équipements. Les masques à gaz, c'était un bout de coton trempé avec un peu d'hyposulfite, c'était pas grand-chose. Les frites, ils étaient mis en hermès parce que c'est eux qui avaient trouvé le truc des gaz asphyxiants. Alors là, j'en avais pris une drôle de prise. Et puis, 150 mètres derrière, à la tranchée de première ligne, il y en avait déjà qui étaient en train de râler par terre. Ah, je me dis, mon vieux, ne t'arrête pas. Si tu t'arrêtes, tu ne te relèves plus. Là, il a fallu que j'aie beaucoup de cran pour ne pas me fiche par terre. Enfin, je suis arrivé à ma compagnie et on n'était que deux ou trois qui étions revenus de ce truc-là. Les autres sont restés sur place, vous pensez. On avait dégusté quelque chose. Deux fois une trentaine d'hommes étaient à quatre pattes sans rien sur le nez. Hein. Quand je suis arrivé là, je vous dirais que j'avais une petite bouteille d'alcool de Montricles, vous savez ce que c'est. Je l'ai goûté comme ça. Ça coulait comme du petit lait tellement j'étais brûlé là-dedans. Et puis alors, à la suite, alors, vidé du haut et du bas comme un lapin, là, je valais plus grand-chose d'ailleurs. Si les Allemands, une fois le premier truc de gaz passé, s'ils avaient attaqué, ils n'avaient personne devant eux. Mais je vous dirais qu'au moment où ils ont envoyé les gaz, ce qui les a empêchés de penser, c'est qu'il y a eu un barrage des canons de 75 de chez nous. Il n'y avait rien à faire. C'était un vrai feu d'artifice. Bon, alors, j'ai passé la nuit comme ça. Et puis, le lendemain, on est resté à traîner comme ça. Il fallait qu'on soit évacué. Alors, il y a un infirmier qui est passé dans le coin qui nous a dit, allez les gars, je vous emmène. Alors, nous emmener, en réalité, il fallait marcher parce que le premier hôpital qui était derrière les lignes, il était bien, à, je sais pas, au moins à 10 ou 12 kilomètres derrière les tranchées quand même. Pas. On pouvait pas mettre un hôpital derrière les tranchées tout de suite. Alors, bon, on est parti comme ça. On se tenait bras dessus, comme pour se donner un peu plus de force. Et puis, on est arrivé là, tout de même. Alors, pendant 8 jours... boire de l'eau citronnée et c'était tout, pour tout désinfecter. Rien d'autre. Là, pendant 8 jours, je me suis demandé si j'allais passer d'un côté ou de l'autre. Et puis au bout de 8 jours, du moins que je tenais le coup, alors j'ai eu droit à une petite portion de purée où il n'y avait pas de beurre, il n'y avait rien, mais un peu de pommes de terre comme ça. Ça m'a paru bon. Alors de là, il y avait un autre hôpital un peu plus loin, derrière les lignes où j'ai été évacué. Et puis là, c'était épatant, c'était au milieu d'une forêt de sapins en Champagne. Alors, le matin, je sortais du cantonnement, puis j'allais me promener dans les bois, je m'étais taillé une petite canne comme ça, j'allais me promener, c'était épatant. Et puis je rentrais que pour le midi. Là, ça m'a fait du bien. Et là, c'est là où j'ai commencé à me dire, mais mon vieux, il y a peut-être des manières de faire dans la vie qui sont favorables à la vie et d'autres qui la détruisent. Ça a été une expérience. Alors ça a duré, je sais pas, 10 ou 15 jours. Puis un jour, il y a un général inspecteur qui arrive là. Alors il y en a dans la chambrée, là, qui était en train de faire une partie de polochon. Alors ça tombait mal. Alors le gars, il dit, oh allez, c'est Lascar, là, il faut leur donner la permission de détendre de 8 jours, on a besoin de monde à Verdun. Allez, oust. Alors moi, je suis parti dans le tas. Quand je suis arrivé chez moi, à Boulogne, je tenais quand même pas debout. Alors j'ai traîné près de 8 jours avant de retrouver le 54e qui était derrière Verdun. Et je vous dirais en pensant que j'ai vu Verdun devant moi, je me demande comment il y en a qui revenaient de là-dedans, parce que c'était épouvantable. C'était un bombardement continuel. Bon, alors quand même, je n'y ai pas été dans la fournaise. Et maintenant, nous avons la joie d'entendre à notre micro une voix qui nous vient de très loin, qui nous vient de l'Afrique occidentale française, puisque c'est celle d'un ancien tirailleur sénégalais du 22e colonial qui lui aussi a participé au combat de Verdun, Sibim Amadou du 22e colonial, dont la déclaration a été recueillie par Charles Silbert à Dakar. Comme la bataille de Verdun menait grand tam-tam, nous sommes partis avec le 22e colonial. Vers la fin de mai, dans les premiers jours de juin, nous sommes montés à Verdun. Nous sommes débarqués à Bar-le-Duc. De là, nous avons passé à Vaucourt et occupé le secteur 304. Nous sommes restés jusqu'à la fin novembre. Nous avons pris et repris deux fois le fort de la côte 304. Une première fois, le matin, de bonne heure, nous avons été refoulés par les Allemands. Nous avons contre-attaqué dans l'après-midi et nous allons délogés définitivement. Nous, les derniers survivants de cette bataille de Verdun, comme des autres combats, des autres fronts, parce que nous n'avons pas seulement fait Verdun, nous avons fait la Somme, l'Alsace et l'Aisne. Mais le souvenir que nous gardons, c'est la fraternité d'armes avec nos camarades métropolitains et nous voulons toujours en témoigner, rester unis, ne pas perdre le contact et nous lutterons contre toute lâcheté, tous les abandons, parce que nous avons versé notre sang pour le même idéal, pour la même cause, sous le signe du drapeau tricolore. Ici Ning François, territoire du Sénégal. Ici El Hadji Ismaïl Diouf, Kaolack. Ici Bajorge, la Côte d'Ivoire. Ici Diaz Daniel, Sénégal. Clissi Traoré, Walta Walta. J'étais à Verdun, sur les genres de général Pitan. De tous les soldats qui participèrent à cette épopée, le fantassin de Verdun fut celui vers qui tout se ramenait et de qui tout dépendait. Premier artisan de la victoire, il a conquise à force de souffrance. Le maréchal Pétain, à l'ossuaire de Douaumont, 18 septembre 1927. Mais d'autres types de soldats sont entrés avec lui dans la légende qui mérite aussi notre admiration. Les coureurs, les ravitailleurs, les canonniers, les aviateurs, les brancardiers. Les coureurs qui bondissaient de trou d'obus en trou d'obus, serrant dans leurs mains le petit bout de papier qui résumait l'ordre ou le renseignement indispensable. Les ravitailleurs de nuit, qu'on apercevait à la lueur des éclatements sur des pistes indécises, pliant sous le poids d'une besace de cartouches ou de grenades, hommes des corvées de vivres, portant en bandoulière une grappe de bidon ou un chapelet de pain enfilé sur un bâton. Combien sont tombés en route sur leur chargement? Les canonniers, l'histoire les représentant en bras de chemise, en fournant nuit et jour les obus dans les pièces pour que leur patrie hurlât, tant qu'il restait un canon et un homme, et que le fantassin se sentit réconforté. Les aviateurs, ceux-là sont montés dans le ciel de Verdun, dans le sillage du Guinemer, et avec lui sont entrés dans la gloire. Pétain, quand il est arrivé en 16, pour ravitailler Verdun, il avait la route, la voie sacrée. Monsieur Vincent. La route. La ligne était bombardée. Ils arrivaient à passer des trains, mais il fallait réparer. Le génie ne faisait que ça, de réparer la voie. Et alors, ça ne pouvait pas faire grand-chose. Il y avait le petit Meusien, le chemin de fer départemental, alors qu'il, lui, a servi. On a ramené des wagons de toute la France, des locaux, et les trains étaient les uns derrière les autres. Mais à Verdun, ça absorbait au moins 80 à 90 000 hommes par semaine que ça bouffait. Et où de 80 à 100 000 tonnes de camelotes, ravitaillement, obus, munitions et tout. Alors, vous vous rendez compte? Et Pétain, quand il est arrivé, au bout de 24 heures qu'il était là, il a inventé la voie sacrée. C'est comme ça qu'elle s'est appelée, la voie sacrée. Parce que cette route-là, et qui était une petite route, eh bien, il a lancé quand même avec le capitaine Doumang à l'époque, qui a pris ça en main, le commandement, qui a organisé ça, et avec 3700 camions qui faisaient la Noria, Bar-le-Duc, Verdun, Bar-le-Duc, Verdun, et puis qui tournaient. Alors, la route en espace de quelques jours, foutue. Et bien, Pétain a fait installer des carrières à Badelincourt, tout le long de la route de Bar-le-Duc, il a fait des carrières, il y avait des forçats qui étaient là-dedans, des punis de travaux publics, avec les grandes casquettes, là, tout ça, qui étaient pour extraire la pierre. Alors, ils ont fait des petites voies ferrées, et ils avaient fait des chargements, des silos à pierre. Ils venaient avec les wagonnets, versaient le silo, et quand les camions arrivaient, ils se mettaient en dessous, on ouvrait le silo, et ils allaient mettre ça sur la route. Fait qu'ils ont rélargi la route en même temps qu'ils la réparaient, ils rélargissaient la route. Et alors, uniquement les camions qui avaient droit, les piétons, il fallait marcher dans les champs à côté, hein, dans la merde. Il n'y avait rien à faire. La route était réservée uniquement au trafic, uniquement. Et alors, il y avait une armée de territoriaux, et puis de Sénégalais, le machin. Et il y en avait un tous les 4 mètres sur la route, avec des pelles, des pioches, et qui rebouchaient les trous. Moi, j'étais agent de liaison en 1916 à Verdun. Eh bien, pendant 18 jours, j'ai fait le Vaux chapitre Souilly, tous les matins. Je partais à 2h du matin, j'étais content parce que je me barrais de l'enfer. Eh bien, ce qu'il y avait de démoralisant, on évitait, nous, les attaques à la baïonnette. On suivait, mais on n'attaquait pas. On suivait derrière. Mais alors, après, il fallait repartir, porter des ordres, porter des plis. Mais alors, ce qu'il y avait, même quand on était stable, il y avait des plis à porter à l'arrière. Ben, il fallait traverser tout le Zinzin. Et à Verdun, c'était les trous d'obus, avec la flotte, la mélasse, les bourricots crevés, les cadavres des pauvres soldats qui étaient là, des cadavres partout. Hein. Alors, la nuit, quand il faut faire ça, parce qu'on faisait surtout la nuit, parce que le jour, on était foutu en l'air, eh bien, vous ne voyez pas clair. Alors, on se foutait la gueule dans les trous d'obus, on s'en sortait comme on pouvait. Mais alors, c'est quand on était là, avec la nuit, vous aviez tout d'un coup une lumière formidable. Il y avait une fusée qui éclatait, on voyait tout. Hein. Et puis tout d'un coup, hop, le noir, ça rebombardait. On se jetait dans un trou. On tombait deux, trois macabées, hein, deux, trois cadavres là-dedans qui... Ça chlinguait, c'était infernal. Et puis alors, quand vous arriviez et que vous couchiez à côté, dans le tas, c'est le cas de le dire, vous aviez 50 rats qui vous tombaient dessus, qui criaient, ils vous passaient sur le machin. Mais c'était infernal. Moi, j'en étais des fois... J'ai pu être resté 2 heures dans un trou sans pouvoir bouger tellement avec le... La trouille, le machin, je ne savais plus où aller, je savais même plus de quel côté j'étais, j'étais impéré. Tandis que, en compagnie, on était toujours avec des copains quand même, c'était pas pareil. D'être tout seul, abandonné dans des trous d'obus avec les macabées comme ça, je vous jure que des fois, eh ben, je peux dire que j'ai eu peur. Hein. J'ai eu peur. Je sais pas comment, j'ai pas attrapé la jaunisse parce que j'ai eu une sacrée trouille. Hein. Et puis les bombardements, c'était pénible, tout ça, c'était terrible. Il vous arrivait, il vous tombait un obus à 2-3 mètres, vous étiez dans le trou, on risquait rien. Mais vous aviez 2 mètres cubes de terre qui vous arrivaient sur la gueule. Et alors il fallait se dégager, sortir de là-dedans. Puis tout le temps comme ça, tout le temps. Mais il y en a qui tombaient à 10 mètres, mais que vous aviez un 210, tombaient à 10 mètres, mon vieux, vous arrosez, vous rebouchez votre trou. Naturellement, il valait mieux ça que de glisser dans un trou avec de l'eau, parce que là, on ne s'en sortait pas si on n'avait pas un copain pour vous sortir. Moi, j'ai gueulé deux, trois fois, j'ai hurlé Ben, des gars qui passaient pour venir me sortir. Glisser, impossible d'en sortir. Impossible. C'était la boue, la gluante qui vous accrochait. C'était des ventouses, quoi. Et vous, tout seul, on ne pouvait pas s'en sortir. Hein. Les Allemands ont commencé le bombardement comme un roulement de tambour. Les obus tombaient partout. Ils ont fait ça toute la nuit. Les Allemands voulaient rentrer, pardi, avec. Quand les Allemands ont été sur le fort. Fernand Viviès. Les communications de ravitaillement ont été tout annulées. Parce qu'on ne pouvait pas sortir les hommes pour aller chercher la soupe à un kilomètre arrière. Et dans le fort, il n'y avait pas de ravitaillement. Il n'y avait que quelques biscuits secs et la citerne était à fond. Le premier jour qu'on a été attaqué, à la fin du jour, au lieu de partir pour la soupe, il a fallu rester dedans. Alors nous a distribué, dans la matinée, 3 quarts d'eau à chacun, les premiers jours, et quelques biscuits secs. Le deuxième jour, 2 quarts d'eau et quelques biscuits. Pas autant comme la première fois. Et le troisième jour, on a un quart seulement. Et à peine quelques biscuits, parce qu'il n'y avait plus rien. 670 unités. Alors, le quatrième jour, quand le commandant a vu qu'il n'avait plus rien à donner aux hommes, ni boire ni manger, a lancé son dernier pigeon, qu'il avait un pigeon voyageur. Il a lancé son dernier pigeon qui est allé au Colombier à Verdun porter le message. Et le message était: nous tenons toujours, nuit et jour, mais on reçoit des attaques par des gaz très dangereuses. Il y a urgence à nous dégager ou sinon on est obligé à nous rendre. Alors le cinquième jour, on n'a pas été dégagé. Le sixième jour, non plus. Le 7 juin, au matin, le commandant est sorti avec le fanion blanc et les Allemands sont rentrés avec lui dans le fort comme des amis, parce que la bataille était arrêtée. Monsieur Fessler. Nous sommes partis de Champenoux pour monter à Fleury, pour monter à Verdun. Et puis après j'ai fait, alors là j'ai été blessé, je suis revenu à mon régiment, au 239, enfin, j'étais officier à ce moment-là, comme sous-lieutenant. Et puis, j'ai refait la bataille de Verdun. On a préparé le terrain pour les coloniaux qui ont pris le fort de Douaumont en octobre. Vers quelle date vous êtes arrivé la première fois à Verdun? Dans la nuit du 11 au 12. 11 au 12 juin. Donc, la bataille est déjà commencée depuis assez longtemps. Ah, bah, depuis le 21 février. Et vous en entendiez parler de l'endroit où vous étiez? Ah, bah, nous savions, voilà, on savait tout ce qui se passait. On savait que Douaumont venait d'être pris et tout ça. Puis quand nous sommes arrivés, on avait Douaumont à 300 mètres devant nous. On était en première ligne, là, 300 mètres devant nous. Et quand on vous a dit que vous partiez pour Verdun, quelle a été votre réaction, vous vous souvenez? Bon. Vous saviez un peu le genre c'était de... un ordre et puis c'est tout. On savait qu'il fallait y aller. Puis ça n'a pas arrêté, puisque près de nous, ça a dû... Enfin, jusqu'en octobre. Après octobre, après la reprise du fort de Douaumont, ça a été moins dur. On s'est battu à Verdun, il y a eu de gros combats, mais enfin, c'était plus la même chose. Mais à ce moment-là, alors là, la nuit du 22 au 23, par exemple, où j'ai eu un des camarades, j'étais avec un camarade sous-lieutenant avec moi. Nous étions dans le trou de rebut le 22 juin à midi. Alors ça tombe sans arrêt. Alors, parce que des endroits comme l'Artois et autres, on avait des bombardements, mais ça s'arrêtait, puis on avait le temps de souffler. Tandis qu'à Fleury, enfin à Verdun, c'était sans arrêt, nuit et jour, 24 heures sur 24 heures. Le bombardement. Et j'étais dans un trou de rebut. On avait un trou qui était rond, donc on l'avait mis à peu près au carré. Et j'étais avec le sous-lieutenant nommé Gratadou. Je peux en parler maintenant, puisque sa femme est morte, il n'y a plus de danger. et nos deux ordonnances. Et j'ai eu la veine, dans mon malheur, d'être le flanc droit, le long de la paroi, de côté de Douaumont, de côté de l'ennemi. À côté de moi, j'avais mon ordonnance, j'avais l'ordonnance du lieutenant Gratadou, et lui était en face, la poitrine face à Douaumont. L'aube des obus sont arrivés, il est arrivé un gros, un 280, je ne sais pas combien, qui a balayé, qui a renversé le bord de la tranchée. J'ai été blessé au pied, à la jambe, et enseveli en même temps. Et mon camarade, le lieutenant, a reçu l'obus en plein corps et a éclaté. C'est une bouillie. Quand je l'ai ramassé, quand j'ai réussi à me dégager, je l'ai vu, c'était, il n'y avait plus rien à faire. Évidemment, c'était un... J'ai mis dans une toile de temps, j'ai loué les quatre coins, et on ne pouvait pas l'évacuer sur Fleury, qui était à 200 mètres derrière nous. On ne pouvait pas l'évacuer avant la nuit. Je suis resté toute la journée. Et alors, mon ordonnance avait un œil arraché qui pendait. Il a réussi à sauter sur le parapet, il est parti. Il a réussi à passer à travers tout. Il est allé jusqu'à Fleury. Quant à l'autre ordonnance, et il était enseveli aussi, puis il me dit, alors j'essaye de le dégager, « Oh mon lieutenant !» Il me dit, « Oh mon lieutenant, vous, oh mon pied, vous me faites mal au pied, j'ai mal au pied, oh, oh vous me faites mal !» Alors j'allais tout doucement, je dégage, mais plus de pied, il était, son pied était à 50 cm plus loin, alors aussitôt en garrot, et puis il a fallu attendre la nuit, le soir, la nuit tombante, pour pouvoir l'envoyer sur Fleury. Alors moi, j'ai réussi malgré tout à tenir le coup. Je pensais ne pas me faire évacuer. Et puis le lendemain, j'ai été forcé de... Alors là, ça a été la grosse attaque. Il a fallu se replier sur Fleury. En arrivant là, on m'a dit, vous ne pouvez plus continuer avec votre pied esquinté comme ça. Alors on m'a soigné, puis je suis parti. Je suis passé à la caserne Antoire, où nous avions notre train de combat, pour prendre ma cantine. Et puis, direction Vittel. Alors là, quand je suis arrivé à Vittel, dans un hôtel allemand, un nouvel hôtel, c'était un hôtel allemand réquisitionné. Quand je suis arrivé dans cette chambre, je vois une belle, une porte ouverte, je vois une salle de bain. Alors l'infirmière, mon lieutenant, s'il y a quelque chose qui peut vous faire plaisir, oh, je dis, madame, un bain. Un bain. C'est-à-dire, on était dégueulasse, forcément. Alors, elle m'a fait couler un bain. Là, elle a demandé, elle a dit, il faut que je demande au docteur si je peux. Ben, j'ai pour un pied, pour la jambe, c'est pas de danger. Alors, on m'a mis avec la jambe en l'air, et puis on m'a mis dans la baignoire, j'ai pris mon premier bain. Alors là, le roi n'était pas mon cousin. Finalement, il y a eu... J'ai emmagasiné un tas d'images. André Masson. Qui sont devenus même des procédés de composition, en fait, qui est tout de même un de mes meilleurs tableaux pour moi, c'est le suicide de Heinrich von Kleist, n'est-ce pas ? Donc, d'ailleurs, très curieusement, le crâne éclaté laisse voir comme l'intérieur d'une grenade, et j'ai vu cela en Champagne pendant une offensive. J'ai vu un soldat dans un boyau dont la tête avait cette même transformation. Ben, cette sorte de blessure, je l'avais vue là, de mes yeux. D'ailleurs, une partie du crâne seulement, et de la grandeur d'une grenade. D'ailleurs, c'était devenu un peu obsessionnel chez moi. J'en avais vu d'autres, bien plus effrayantes, ben, y compris la mienne. La balle que j'ai reçue, il y avait sûrement une balle de mitrailleuse, s'est retournée et a fait le même effet qu'une balle explosive. Et c'était horrible à voir, d'ailleurs, un infirmier m'a montré avec une glace, et je comprenais, moi je ne pouvais pas la voir, c'était la poitrine. Pourquoi j'ai surtout retenu ce blessé, il était mort, enfin, cette blessure mortelle, parmi les choses les plus horribles que j'ai vues, alors qu'encore une fois, il y en avait de bien plus effroyables. Des débris. Mais les débris ne faisaient pas peur. C'est très curieux. Une jambe dans une botte, peut-être un objet avec le fil de fer, toutes les épaves des batailles. Et par exemple, quelqu'un qui avait, encore deux, une fois, qui avait leur tête, mais plus de visage du tout, parfaitement intact, assis. Alors ces deux-là, on précède pas. Hein. C'est en revenant de la malheureuse offensive du chemin des dames, le premier jour. Tous les soldats précèdent pas. Alors, quand on précède pas, on revenait en file indienne, n'est-ce pas? On savait qu'on allait voir une horreur. Une horreur remarquable. Et par exemple, ces deux malheureux soldats qui étaient sur une petite banquette d'un boyau amorcé, dans la même attitude de stupéfaction, mais n'ayant qu'une boule rouge à la place de la tête, et bien les soldats s'arrêtaient d'abord, bien sûr, de stupéfaction, et puis ils couraient. Il y avait les nettoyeurs de tranchées, ça faisait le même effet. On ne pressait pas devant les nettoyeurs de tranchées. Pourtant, même des gars d'un régiment de choc, dont j'étais, ça s'appelait Brigade Volante. Mais ça, alors, c'était dur à supporter. La vue, ça, était très dur à supporter. Je ne suis pas militaire, je ne sais pas dans quelle mesure le nettoyage de tranchées était nécessaire. Je suppose qu'il y avait une raison, certainement. On nous disait à nous aussi, ne laissez rien de vivant derrière vous. Hein. Mais on ne le faisait pas parce qu'on trouvait que c'était le travail, justement. Il y avait des gars spécialisés dans l'affaire. Monsieur Arnal. Quand on a vécu vraiment des batailles, hein, sérieuses, les gens ne peuvent pas se rendre compte de ce que c'est. Il faut y être passé. On raconte, d'accord, mais c'est rien à côté de ce qu'on a pu vivre. Je vous dis, enfin, 600 obus à la minute sur une distance de plus de 500 mètres, et ça, c'était pas pendant 5 minutes, c'était des jours, ça tombait, vous savez, quand ça les prenait. Alors, comment voulez-vous expliquer ça? Personne ne croira ça, on dira c'est pour vrai. Oui, seulement, voilà. Ah oui, non, ça, ce sont des choses tout à fait spéciales, vous savez, quand on a vécu des moments comme ça, bah. Ça vous laisse un peu froid après, vous savez. On se dit comment ça se fait qu'on est là. Ouais. On dit, vous n'avez pas été tué, qu'on m'a dit, moi. Vous avez été tué? Ben, oui. Un camarade, il sort pour faire ses besoins. Il n'est pas rentré. Un éclat d'obus avait enlevé la moitié du crâne. Oui, c'est pour vous dire, si ça tombe, il n'y avait pas à bouger. Se mettre dans un coin et puis dire, ben voilà, on attend. On attend. Non, ça c'est tout à fait, vous savez, c'est une chose qui vraiment, moi je sais pas, les fous qui font des guerres, enfin, qui déclenchent ces machins-là, faut dire qu'ils soient fous parce que vous savez. Comme Hitler. On va faire des choses comme ça. LSD, la série documentaire. 14-18, la guerre racontée par les archives. Un documentaire de Christelle Le Polothèque et Nathalie Battus. Coordination, Perrine Carvran et Marie-Vonne Abolivier. Mixage, Alain Joubert. Merci à l'INA, aux archives départementales du Var et aux Laut Archives de l'Université Humboldt de Berlin. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter à Verdun, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter où vous voulez et quand vous voulez, le podcast sur l'application Radio France et ailleurs et pour se parler, Twitter et même Instagram. Demain, troisième épisode, à l'arrière, la vie continue. Et pensez aux autres rendez-vous documentaires de France Culture, toute une vie, l'expérience, une histoire particulière et les pieds sur terre.